de ma poitrine quand une voix sourde vient me guider. Alors voir, mais enfin là, prosterne-toi, je suis Yule. Moi des jus escarabées, suivront les traces de tes pas. Ils sont ici pour te guider. Derrière la porte, un escalier s'étend à perte d'éternité. Avant au voir de tu es en retard, la fête commence quand vient le soir. Dans le brasier, je marche seul, avec les flammes pour un seul. Avance encore. Je perds la vue, je me retourne. Tu es perdu. Alors au revoir, tu es enfin là. Retire-toi, je suis le moi le déchu d'escalade. Suivons les traces de tes pas. Ils sont ici pour te guider. Mais attention, ils peuvent te tuer. Près de l'hôtel, des femmes nues voilées de par boivent la ciguë. Et lutteurs de pancras dansent un ballet puis comme un maudit, et les plaisirs me sont proscrits. Yule, je défie ta puissance. Pour deux temps je disparais, mais ton royaume, j'en fais le serment, je l'achèterai. Adieu, au revoir, je n'avais pas compris. Tu as oublié ce que je suis. Moi, les chus escarabées seront toujours là pour te guetter. Va d'où tu viens, c'est ma clémence. Mais prends bien garde à ma démence.